l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngombi. Notre grand thème n'a pas changé. Nous étudions depuis quelques semaines l'Afrique dans la Bible et dans le plan de Dieu. Notre sous-thème non plus n'a pas changé. Nous étudions les personnages africains qui sont cités dans la Bible. Et nous continuons toujours avec les personnages cités dans l'Ancien Testament. Merci de nous recevoir chez vous au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngombi. Le premier personnage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est une dame, Hatshepsut, la fille du Pharaon. Il s'agit de cette dame africaine qui changea le cours de l'histoire. Elle était la fille du Pharaon. Selon le nouveau dictionnaire révisé, c'est cette femme qui devint plus tard la reine Hatshepsut, une reine qui se montra extrêmement dominatrice et détint pendant 22 ans le trône de Toutmès III, son neveu et gendre. Elle réalisa beaucoup de projets de construction en Égypte et fit accroître les relations commerciales entre Égypte et d'autres pays étrangers. Mais bien avant cela, cette princesse décida d'avoir pitié d'un bébé, malgré l'ordre de son père de jeter dans le Nil tous les garçons nouveau-nés des Hébreux. Comme les sages-femmes Chipra et Poua, avant elle ne respecta pas l'ordre du Pharaon. Tout en sachant que le bébé fut un des enfants des Hébreux, elle garda le bébé et le prit pour fils en se regardant la vie du bébé Moïse. Cette femme africaine ouvrit la porte pour le peuple juif de devenir la nation d'Israël. Ce récit est raconté dans Exode 2, versets 5 à 10. Lisons ce passage. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des roseaux. Nous constatons donc, selon ces récits, que la fille de Pharaon était très généreuse. Elle avait un cœur de mère et ne pouvait tolérer l'extermination des bébés. Elle était prête à payer le salaire de la nourrice de Moïse. Et c'est elle qui donna à Moïse le nom qu'il porte. La fille de Pharaon, dont on parle ici, serait probablement, selon les historiens, Hatshepsut, qui était une Africaine. Après la fille de Pharaon, nous allons étudier encore une autre femme. C'est la femme de Moïse. Son récit nous est raconté dans Nombre chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons ce passage. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ce passage nous montre que Marie, la sœur de Moïse, et Aaron, son frère aîné, murmurèrent contre ces derniers. La raison de leur murmure est précisée. Moïse a pris une femme éthiopienne. Le mot hébreu qui est traduit ici par éthiopienne, c'est kushit. C'est pour cette raison que certaines versions ont rendu ce mot par kushit, la Bible des semeurs, la Bible de Jérusalem. Tandis que la version Tob a rendu le mot hébreu kushit par nubienne. Nous préférons donc le mot kushit qui est adopté par plusieurs traducteurs. Or, nous savons que le mot kush veut dire noir. Les Kushites sont des descendants de Cam, de race noire. L'une des questions que certains commentaires se posent est celle de savoir si ce passage parle de Séphora, la première femme de Moïse, ou d'une autre. La réponse que plusieurs commentateurs donnent est celle-ci. Il s'agit d'une autre femme, car Séphora était madianite et cette dernière serait morte, bien que la Bible ne le mentionne pas. Moïse se serait donc remarié en épousant une femme couchite de peau noire. C'est ce que Myriam et Aaron ne pouvaient accepter. Ils seraient donc des racistes et ne pouvaient accepter que leur frère épouse une femme de peau noire, une femme africaine. Ils en ont profité pour contester l'autorité de Moïse. Il y a plusieurs hypothèses autour de la réaction d'Aaron et de Myriam. Pourquoi avait-il contesté? Que reprochait-il à la femme de Moïse? Certains disent que cette dernière était orgueilleuse et que c'est à cause de son comportement que Myriam ou Marie et Aaron la détestaient et ne voulaient pas que leur frère Moïse l'épouse. D'autres encore affirment qu'il s'agit de la jalousie de Myriam. Cette dernière ne voulait pas qu'une autre femme soit introduite dans leur cercle de pouvoir et que Myriam voulait plutôt que Moïse suive l'exemple des pharaons égyptiens de l'époque qui pouvaient épouser leur sœur. Selon cette hypothèse, Myriam considérait la femme couchite de Moïse comme une rivale. Mais lorsque nous lisons le texte, il précise que Myriam et Aaron murmuraient contre Moïse parce qu'il avait pris une femme éthiopienne ou couchite. Nous estimons que la raison principale était l'origine ethnique ou raciale de la femme de Moïse, parce qu'elle était couchite, africaine de peau noire. C'est pour cette raison que Myriam et Aaron ont murmuré contre leurs frères. Mais ils ont oublié que Moïse était loin de l'Éternel. Et lorsqu'on conteste contre loin de l'Éternel, on court les dangers de s'attirer la colère divine. La réaction de Dieu démontre qu'il a désapprouvé Myriam et Aaron et frappa Marie de la lèpre. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 12, du verset 4 à 10, nous y trouvons ce qui suit. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez-vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Dans ce passage, Dieu a défendu son serviteur Moïse, ce grand leader qu'il a utilisé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ce que nous oublions, c'est que derrière ce grand homme, il y avait une grande dame qui était africaine. Après la femme couchite de Moïse, parlons de notre couchite, un jeune au service de Joab. Pendant le règne de David, il eut un Africain au service du général Joab. Cet homme était appelé simplement le Kushite, selon 2 Samuel chapitre 18, versets 21 à 32. Lorsque Joab tua Absalom, le fils de David, qui s'était rebellé contre son père, il devrait envoyer un messager à David pour lui donner cette nouvelle. Mais Joab sut que la nouvelle ne plairait pas à David. Au lieu d'envoyer Ahimath, le messager habituel, il envoya le Cushite à sa place. Il savait que si David réagissait mal en entendant la nouvelle de la mort de son fils, le bien-être du messager serait en jeu. Selon certains commentateurs, l'une des raisons qui poussa Joab à choisir le Cushite pour annoncer la nouvelle, c'est parce qu'il fut l'une des rares personnes qui n'était pas intimidée par le roi David, qui n'avait pas peur du roi et qui pouvait lui parler franchement jusqu'au point de lui livrer la nouvelle de la mort de son fils. Malgré l'attitude du général Joab, le Cushite fit ce qu'on lui demanda avec fidélité et promptitude, en dépit du danger potentiel. Ahimath sortit par la suite pour aussi donner la nouvelle à David, et il arriva même plus tôt que le Cushite, puisqu'il courut par un autre chemin. Mais il ne put communiquer clairement le message, et David dut attendre l'arrivée du Cushite pour savoir avec certitude le sort de son fils Absalom. Nous voyons que le Cushite répondit à la question du roi David avec tact, sachant bien employer une formule propice pour une telle situation délicate. David crut le message donné par le Cushite et malgré le fait qu'il reçut une mauvaise nouvelle, il ne réagit pas mal vis-à-vis du messager Cushite. Au contraire, il a eu beaucoup plus d'égards pour lui. Lisons 2 Samuel 18, 28 à 33. Ahimath cria et dit au roi, « Tout va bien !» Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Ahimath répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Ahimath s'éteint de côté. Aussitôt arriva Cushi et il dit, « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ?» Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi saisit d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom mon fils, mon fils. » Récapitulons les trois personnages que nous venons d'étudier aujourd'hui qui étaient africains. La première, c'est la fille de Pharaon qui sauva la vie de Moïse et qui l'adopta comme son fils. La deuxième, toujours une dame, c'est la femme de Moïse qui était Cushite. Et nous avons vu que Myriam, sa sœur, ainsi que son frère Aaron ont murmuré contre Moïse parce qu'il avait pris une femme Cushite, ce qui attira la colère de Dieu contre Myriam qui était frappée de la lèpre. Et nous venons d'étudier enfin ce jeune Cushite qui était au service de Joab, qui était courageux et qui vint annoncer au roi David la nouvelle de la mort de son fils Absalom. C'est fini pour aujourd'hui. Nous continuerons l'étude d'autres personnages africains de la Bible la fois prochaine. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.